baisse, sondage, part de marché. Grosse liasse, engrenage, taux d'intérêt. La banque est la laisse de ce système taré. On t'apprend juste à laisse avant d'être enterré. Automate apeuré qui consomme jusqu'en pleurer. On nous gaffe comme des oies, puis on nous jette dans le porret. Pouvoir, contrôle, audience, code barre, caméra, radar, intelligence au placard. Carte à puce, emploi, mirage, existence de tocard, statistique bidon, idole, starification de gogol sur Google, ça pullule sur le globe. La biométrique traque, on trinque, ils triquent et troquent, les tics, ils tronquent les trucs, les dés. Leur pratique hypnotique, subliminale, millimétrique, tout subjugue, c'est magique et féerique. Ils trafiquent la génétique, débusqués dans l'ADN des fantaines, mais ils nous fanatiques. Ils cherchent à liberté contre une prison informatique. Traçage ethnique, braquage identitaire, répression au taser et les moutons sous traceurs. La base s'effrite, la pyramide s'effondre. Une seule ligne gouverne depuis la chute du premier monde. Elle dicte les choix, la foi, la vie des hommes de manière immonde. Et tout le monde marche au pas, la tête baissée, à regarder ses pompes, à ramper devant les pontes, à leur cirer les pompes, à compter les années qu'il reste avant de creuser sa tombe. Le poing devant la télé, à contempler les catombes. Les messages subliminaux, la propagande font peur du monde. Ils imprègnent dans les cerveaux humains si grand que la peur inonde. Chaque pensée, chaque idée, ils dirigent la vision du monde. On est de plus en plus nombreux, ils sont moins en moins nombreux. Leur stratégie nous faire croire que le monde est de plus en plus sombre. Pour garder leur place au soleil et nous maintenir dans l'ombre. Tous conditionnés comme des boîtes de conserve. Personne bien rangée comme une armée de réserve. Ou des bits d'amarrage. N'est pas la rage, on est qu'au démarrage. Ils nous font miroiter le soleil et ne récoltons que l'orage. On noircit des pages comme témoignage. Pour qu'un maximum de frères évite les pièges et les péages. Tu piges, dans le futur la puce RFID sera le GPS humain pour sa traçabilité. Pas de sociabilité, si tu fais le débile avec habilité, il te retire ta solvabilité. Du coup, c'est des machines à distance qui décideront pour toi de ton existence. L'accès ou non à des lieux, t'auras beau jouer les teigneux, t'auras un code barre sous ta peau et un chiffon sous les yeux. Souriez, vous êtes fumé, sécurisé, pisté, tracé, surveillé, filmé, photographié. Méfiez-vous des lois qui sont votées, car à force de légiférer, y'aura des caméras dans nos forêts. Souriez, vous êtes fumé, sécurisé, pisté, tracé, surveillé, filmé, photographié. Vos commentaires enregistrés si à Facebook tu t'es fié. Restez vigilants pour pas tomber dans leur filet. De moins en moins d'espace de liberté pour la sécurité générale. Des agents, des vigiles, la délation des civils. De plus en plus de flics dans nos villes, climat hostile. Y'a de l'électricité dans l'air, nous disent-ils. Autant de merde sur le caniveau que de mecs en uniforme qui ont pas le niveau. Bref, rien de nouveau, on te piste, même quand tu pisses sur un lampadaire. Le moindre de tes faits et gestes, tous tes déplacements, tes achats, ils s'occupent de tous tes placements et te font croire que t'as le choix. Ils orientent tes goûts, stéréotypent tes gars, engrainent vos jeux d'ego et se foutent des dégâts. Nos capitaux s'envolent vers leurs paradis fiscaux, un enfer monétaire d'un système en fiasco. Ça sort de nos champs lexicaux, ils uniformisent le monde d'ici à Mexico. Notre son assomme pour faire en sorte que la somme des hommes ne soit plus soldée au rabais, au revenu minimum. Hélas, gouvernés par des âmes qui nous préfèrent dans des asiles. Nos âmes s'immolent face à des vies citernes. Une société s'immole en manque d'essence comme un camion citerne. On est là pour informer notre entourage. Attention au formatage, garde les yeux ouverts ou ils te mettront dans une cage. Une case et feront de la terre un marécage. Ils te poussent au quotidien macabre, t'éloignent des livres et des arbres, te rapprochent des villes et des calibres. Mais y'a très peu de calibres, très peu de contexte où le positif. Alors si t'as figé, ne reste pas figé comme une effigie où tu vas plonger dans le vide et la fange, le gros vide et la frange. Cerveau vide comme en transe, apatride dans l'errance. Les sourires, les vacances, l'amour et l'abondance ne seront plus que des souvenirs d'enfance. Le monde dans lequel tu vis n'est pas un putain de con de fée. Picsou en cul Cendrillon en toute impunité. Pendant qu'Aladin s'est défoncé la tête par Mickey. Ta liberté n'a pas pris et pourtant t'es enchaîné. A ton taf, ta vie à crédit, l'illusion tout maîtrisée. Tes fichiers listés, pistés, traqués, ça c'est systématique. Les ronds mobiles, ce que tu consommes et les systèmes informatiques. Souriez, vous êtes fumé, sécurisé, pisté, tracé, surveillé, filmé, photographié. Méfiez-vous des lois qui sont votées, car à force de légiférer, y'aura des caméras dans nos forêts. Souriez, vous êtes fumé, sécurisé, pisté, tracé, surveillé, filmé, photographié. Vos commentaires enregistrés si à Facebook tu t'es fié. Restez vigilants pour pas tomber dans leur forêt.